passer. Trois petits points, tous ces mots me font gerber, gerber, gerber, gerber, gerber. Comme s'il gardait derrière ces barrières en fer des trésors des merveilles qui feraient leur paye. Il ne cesse de tirer de tous les côtés pour ramasser la thune. Et souvent, et souvent, et souvent, et souvent, et souvent, et souvent, et souvent la gaspille. Ces mots me font gerber, gerber, gerber, gerber, gerber. Car ils se moquent pas mal de notre santé. Ce prétexte fait lever le prix du paquet. Je pourrais bien penser que cet argent récolté irait bien dans les poches, dans les poches, dans les poches, dans les poches, dans les poches, dans les poches, dans les poches, dans les poches de nos députés. Sans les écouter.